grand jury dans ma tête. Mal à la tête. À la tête. C'est très mal. Ça s'arrêtera jamais. Pourtant, merci. Qu'est-ce que tu disais? Non, je disais que j'avais mal à la tête et que je voulais rire avec un ventilateur. Ouais, bah tu peux l'allumer et te foutre la tête dedans si tu veux, mais il faut enlever le cache d'abord. Tu vois le cache en, putain, la grille là. Ils ont un putain de ventilateur qui est trop classe. Ouais, mais je fais le rapport. Détends-toi et éloigne-le de micro, s'il te plaît. Du micro, je veux dire, pardon. Tu veux que j'éloigne le micro du micro? Non, non, du ventilateur. Pourquoi tu veux que je fasse ça? Ah, ça me dit quelque chose. Ça te dit quoi, le voyageur spatio-temporel, c'est ça? Et Al, je vais rapprocher le micro pour que tu m'entendes un peu plus. C'est pour ça que je vais le baisser. Fond de ton anus. Laisse-moi augmenter la fréquence. La fréquence de quoi? La fréquence. La fréquence. La fréquence. La fréquence des va-et-vient de mes couilles frappant sur ton cul rebondi. Ouais. Ouais, j'aime bien la musique, c'est beau. Et sinon, t'as déjà goûté à la courgette? Non, mais j'ai déjà goûté à mon anus en mettant le doigt dedans et en léchant après. Oh, tu es un gros dégueulasse, Paul. Non, c'est pas vrai, je suis pas un gros dégueulasse, je suis pas gros dégueulasse. C'est quand qui t'est venu le goût de la merde? Quand j'avais 4 ans. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça t'est arrivé? Comme ça, comme je te dis. En mettant un doigt dans ton cul et en avalant ce qui en sort? Non, en léchant ce qui en sortait, mon doigt sur mon doigt qui était resté collé. De quelle manière est-ce que tu as léché cette délicate substance? Avec ma langue. De quelle manière ta langue a frôlé ton doigt? Doucement. Donne-nous plus de détails. J'ai senti la merde avant de la mettre dans ma bouche. Et alors, tu en avais sur le nez? Peut-être, car je me suis gratté le nez après. Peut-être qu'il m'en restait après avoir léché. Et tu as léché la totalité, tu as trouvé ça goûtu? J'ai trouvé ça ragoûtant. Parle-nous un peu plus. Du ragoûtant? Du ragoûtant, oui, du ragoûtant. Oui, vas-y. Non, je veux pas, parce que t'en chies là. Je veux te voir en chien. C'est vrai que ça me donne envie de me chier dessus et de m'étaler sur le sol, telle une truite qui serait échappée de son ruisseau. Ouais, anus. Et tu serais mon seau préféré. La fange. Ouais, la fange, ouais. Tu l'aurais. Oui. Allô? Non, à l'huile. Est-ce que si j'augmente la fréquence, ça va donner des choses plus étranges? Non, ça va juste me faire baisser le micro. Alors je baisse la fréquence ou j'augmente la fréquence? Baisse. Je baisse la fréquence ou j'augmente la fréquence? Je répète, je baisse la fréquence ou j'augmente la fréquence? Fais comme tu veux. Je baisse la fréquence alors. T'en as bien besoin. Je baisse la fréquence. Fréquence de quoi d'ailleurs? Je baisse la fréquence de mes couilles qui remuent. Et j'augmente la fréquence du va-et-vient de ma bite. Et c'est possession, je veux dire, quand tu dis ma bite, c'est ta possession quoi. Oui, je prends ma bite et je la. Et ensuite. Et encore. Bon. Je trouve ça assez cohérent finalement, parce que le discours de l'exégète me requiert un certain inémancipatoire inaction, je veux dire, dans le sens permissif du terme, quoi. Je vous écoute. Donc dans le sens permissif du terme, voilà, je disais inémancipative inréaction est toujours impossible, voilà, si impermanente. Plutôt possible si impermanente. Quelle est où? Et donc, on disait juste que c'était le temps, là, justement, de s'expliquer un peu les choses, donc vous comprenez, voilà, c'est mieux. Mais, je pense qu'on sera là-bas sur les coups d'une heure. On va bientôt décoller, quoi. Voilà, donc pour tous ceux qui vont en boîte ce soir, c'est cool. Ouais. Parce que c'est le moment ou jamais. Et là, tu... Personne ne t'entend, là? Tu peux pas parler? Ah merde, attends. Mais oui, c'est bien ici que le son sort. Ouais, on t'entend. C'est dur, on entend presque rien. C'est ça, la nouvelle technologie, c'est très facile. Ah, je crois pas que ça fonctionne, on t'entend pratiquement pas. C'est malheureux. Attends, je vais essayer. Ouais, moi je vais retourner, ouais, attends, je vais essayer. T'es bien là, t'es trop fort, t'es trop fort. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, il y a quelqu'un qui te parle sur le micro vert. Choupinet ? Choupinet, c'est qui ça ? c'est pas moi en tout cas. Choupinet. C'est quelqu'un d'autre ? Personne ne m'aime. Oui, il t'entend là. Ouais. Et d'ailleurs, personne ne m'aime et t'as pas à m'appeler Choupinet, d'accord ? M'entends ou pas ? Non, et toi, tu m'entends pas visiblement. Bon, parce que bonjour à Maître Halal. Ouais, c'est moi. Merci. C'est son arbre perché, il a tout mon amour, même si je lui chie dessus. D'accord, voilà. C'est cool, merci mec. Je pense que ça lui fera plaisir. Ouais, merci. Sympa. Bon, il a tout entendu. On peut passer à autre chose. Qui ? Ah bah c'est cool. C'était qui ? C'était un mec, il m'appelle sur mon téléphone, il croit que c'est la radio qu'elle a. En fait non quoi, c'était Farid, enfin c'était Chroma quoi, je veux dire qu'est-ce que ça fout là quoi. Je crois qu'il s'appelle Dimitrov. Oi. T'as pas mal à la tête toi ? Déjà raconté l'histoire d'un petit furet. Sataniste ? Ouais, mais c'est comme tous les furets, ils sont tous satanistes. Ouais. Tu t'es déjà fait scotcher le gland sur le bout du pied. Je suis énormément fatigué. Mon corps est lourd. Moi, je suis content. Je suis super content. Je suis tout détendu. C'est cool. Moi aussi, je suis vachement pas tendu. Très très détendu. On ferait mieux d'abandonner, je crois. On ne l'aura jamais. Je suis en train de lâcher mon corps. Abandonne-toi. Laisse-toi crever. T'as raison, c'est ça qu'il faut faire. Non, mieux. Mon cou est tout détendu. Mieux. Tu dois te tuer. Je suis en train de voir les flammes de l'enfer qui brûlent le bout de mes doigts. Moi, je suis au paradis, moi. Je ne ressens aucune douleur. Je suis en enfer, non, c'est pas vrai. Mes Merde. Cheveux sont en train de tomber. C'est horrible ce que tu dis. Bah, c'est laid. Une odeur de poulet grillé. C'est toi, ma poulette. Mes poils brûlent. L'horizon se délaisse de ma vision. Mes yeux se ferment. Et de nouvelles images apparaissent. Apparemment, paradis n'est pas si loin de l'enfer. Salut, je m'appelle Paradis, toi c'est enfer. Tu veux qu'on baise ? Oui. Et je peux pas bouger. Je sens le sommeil paradoxal. Qui parasite mes sens ? Y'a que Canal Sud où on peut dire des trucs aussi bizarres. Ouais, c'est clair, c'était nul à chier, hein, merci. Hein. En tout cas, vraiment, ton intervention, vraiment. C'est grave, ouais. Je te remercie, c'est cool, quoi. C'était vraiment à chier, c'était génial. J'ai trouvé ça vraiment inspiré de merde et de cacaprout aussi. J'avoue que là, à part ça, je vois pas trop. Mais merci encore. Et je t'appelle comment alors ? Je sais pas. Bah, Chroma, merci, Chroma. Partie 2. Un après-midi à la piscine. Le soleil brille fort et moi et mes copains et mes copines ont décidé d'aller à la piscine. Je sais pas nager, mais personne ne le sait. Alors je m'assois au bord de l'eau et je regarde les beaux lolos de Martine qui crôlent d'une façon très jolie. Elle me fait signe et veut que je l'accompagne. Alors là, je sens quelque chose de chaud qui glisse le long de ma peau. Et le jaunâtre de mon urine me rend stressé et peiné. Alors, je me lève et je pars. Là, je glisse. Et quelque chose de très dur me rentre dans le cul. C'était Albert, l'oncle d'Hubert. 41. C'est à ce moment-là que j'ai les chiffres de la bourse molle, plus 40%, la bourse dure, moins 50%. La bourse mi-dure, plus 30, la bourse mi-molle, plus 20, la bourse tendre, plus 5, et la bourse moins tendre, moins 75 points. Le CAC 40, est ainsi dit, nous avons déraisonné sur le sujet assez longtemps, nous sommes sur le point d'en mourir, ainsi soit fait. La situation donnée à un instant T, la mort pour tout le monde, gratuite, offerte pour vous ce soir, la mort. canalsud@canalsud.net. Canal Sud 92.2.